Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'OK Ciné. On va vous parler, comme toujours, de cinéma avec Aurore. Bonjour Aurore. Bonjour. Comment vas-tu ? Bien et toi ? Eh ben écoute, très bien. En plus, il fait beau, il fait chaud. Là, on arrive sur les beaux jours. Et au cinéma aussi, il fait beau puisqu'il y a de beaux films à voir. Et notamment, on va vous parler aujourd'hui du film Sinners, sorti il y a quelques semaines. Alors, pour la petite histoire, alors qu'ils cherchent à s'affranchir d'un lourd passé, deux frères jumeaux reviennent dans leur ville natale pour repartir à zéro. Mais ils comprennent qu'une puissance maléfique bien plus redoutable guette leur retour avec impatience. À force de danser avec le diable, un beau jour, il viendra te chercher chez toi. Alors, un pitch qui annonce en effet un film d'épouvante horreur, mais on va en parler bien évidemment, on va se rendre compte voilà, que ce n'est pas forcément le cœur du film, voilà, qui est tourné quand même comme un film d'action thriller. Donc le film est réalisé par Ryan Coogler, à qui l'on doit notamment Creed sur la boxe, et également Black Panther, oui, et Fruitvale Station avec Michael B. Jordan. Il reprend à chaque fois dans ses films. Oui, oui. Voilà, c'est le duo réalisateur-acteur. Ça fonctionne bien. Alors, Aurore, qu'en as-tu pensé ? Eh ben, c'était assez intéressant. Alors, effectivement, le synopsis tisse pas vraiment le cœur du sujet du film. Non. Du coup, ça m'a un peu surpris. Mais effectivement, alors, pour rappel, le film a extrêmement bien commencé. Il est sorti donc d'abord aux États-Unis puis en France. Et il est démarré avec la critique qui le visait comme un des meilleurs films de l'année. Il a été extrêmement, extrêmement bien noté. Et on peut comprendre pourquoi. Alors, bon, aux États-Unis, le film va parler principalement de blues, de l'histoire du blues. Et donc, du coup, c'est une histoire qui est au cœur des États-Unis. Puisque, pour rappel, donc, le blues est né dans les champs de coton. C'était une musique, si je puis dire, de noir. Et donc, du coup, c'est vraiment une histoire à part entière des États-Unis, notamment bah voilà, avec la ségrégation, etc. Donc là, on aborde le sujet, le Ku Klux Klan aussi. Oui. Et donc, du coup, on peut comprendre pourquoi le film a aussi bien fonctionné. Le blues est un des styles musicaux qui a fait découler énormément de types, de genres musicaux. Le rock, puis le rap, etc. Et donc, du coup, c'est extrêmement intéressant. Alors, il y a plusieurs scènes où, du coup, ils utilisent la musique, évidemment, qui est principal tenant du film. Mm. Donc, la BO est vraiment très intéressante, ouais. Faite. Mm. Même la photographie, etc., le film est très, très orangé, très feu. Puisque, pour rappel, donc, le blues était défini comme un peu la musique du diable. Notamment, donc moi, ça m'a fait penser à un guitariste qui était assez connu, qui s'appelle Robert Johnson, qui est devenu un des guitaristes majeurs du blues. Il a commencé à enregistrer seulement quelques années avant sa mort, mais il est devenu une icône du blues. Et l'une des grandes légendes à son propos était qu'il avait passé un pacte avec le diable pour pouvoir jouer aussi bien, parce que c'était pas possible autrement. Et c'est pour ça qu'il a mis autant de temps à enregistrer ses disques, parce que personne ne voulait l'enregistrer. Parce que, bah, il pensait que si jamais ils enregistraient ses disques, si on faisait écouter sa musique, ben, on allait, faire sortir le diable, en fait. Et donc, ce film m'a fait énormément penser à ça. C'est évidemment la question du film principal. Et oui, enfin voilà, c'est très intéressant. Et le côté horreur épouvante, comme quoi était teasé le film, finalement, ça va. Oui, oui, oui, c'est vrai, comme tu le dis, c'est vraiment un film sur la musique, sur le blues. Voilà, ça se passe dans les années 30. Mmh. Voilà, il y a encore une certaine ségrégation. On a donc ces deux jumeaux joués par le même acteur, hein, Michael B. Jordan, oui. D'ailleurs, qui joue très bien les deux personnages. Oui, oui. Très ambivalent, et voilà, qui. Les deux personnages vraiment amènent quelque chose d'hyper intéressant. Chacun sa vision des choses sur différents sujets. Oui. Enfin, ils se complètent parfaitement. Oui. En effet, donc ce blues, alors déjà le film il démarre en mode ouais, ça a été entre guillemets une tuerie, et on va voir ce qui va se passer justement, voilà, jusqu'à en effet cette horreur qui est en effet très vendue hein, pour le film. Alors c'est vrai que c'est un film vendu comme un film mainstream, grand public, voilà, qui se veut attirer du monde. Je pense que voilà, c'est Warner Bros, donc forcément, voilà, c'est une grosse société de production. Ils ont mis beaucoup d'argent dans le film, donc bon, c'est soit ils vendaient le film en mode plus entre guillemets indépendant d'auteur, voilà, axé sur la musique. Et en effet, je pense que aux États-Unis, ça leur suffit. Éventuellement. Oui, encore. Et encore. Quand on voit notamment le biopic de Bob Dylan, etc. Les films d'auteurs aux États-Unis font pas tant de budget. Et c'est pour vrai. Ça qu'ils l'ont vendu en fait, comme un film d'action d'épouvante et compagnie. Les personnes, enfin les gens, les spectateurs pensaient aller voir ça. Et c'est aussi peut-être pour ça que ça a autant fonctionné, que ça a fait parce que c'est le contre-pied en fait de la promo et de la réalité du film. En fait, qui, je pense, a aussi bien marché. Oui, oui, et puis c'est vrai que bah du coup, outre-Atlantique, enfin notamment en France, bon, nous on est déjà plus ouverts, voilà, sur le type de film. Les films indépendants marchent quand même très bien chez nous. Quand il y a un bon bouche à oreille, ça fonctionne bien. Après, voilà, l'horreur plaît aussi, hein, en France, bien évidemment. Sûr, bien sûr. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant, finalement, cette métaphore du blues qui amène justement cette horreur, comme tu le disais. Voilà, on pactise avec le diable. Il s'est très bien montré dans le film et ça en devient presque jouissif puisqu'il y a vraiment une montée. Hein. Le film est vraiment scindé en deux grosses parties. Une première partie qui expose en fait les personnages, cet environnement ségrégationniste avec le blues. En effet, tu l'as dit, hein, la BO elle est incroyable. Enfin, franchement, moi j'ai adoré. La musique avec le mélange de styles. Oui, en plus. La scène elle est incroyable. Enfin, moi, oui, il y a une musique. C'est vraiment la scène centrale du film qui amène la rupture, c'est ça, où voilà, on va pas trop en dire, mais en effet, voilà, ça mélange un peu tous les styles musicaux avec voilà l'avant, le pendant et l'après. Cette scène-là, elle est vraiment incroyable. Oui, ça se marie extrêmement bien et c'est vraiment, je trouve, une image qui fonctionne très bien sur à quel point le blues est un élément central et un pilier de la musique actuelle et même. L'héritage, en fait, c'est ce qu'ils expliquent, hein, l'héritage du blues des peuples afro-américains, enfin africains même, tout simplement. Ouais, ouais. Et oui, c'est extrêmement bien retranscrit dans la BO. Ah oui, clairement, la BO, on prend plein les oreilles. Ouais. Tu le disais, visuellement parlant, c'est pareil, le film est très beau. Enfin, il est assez sombre, hein, bien évidemment. Ouais. Mais voilà, ça participe aussi à ce côté, on va dire, démoniaque qu'amène le blues. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que souvent dans ce genre de film, bon, on se concentre en effet sur un ou deux personnages, mais là, les personnages secondaires sont pas inintéressants, je trouve. Non, ils exact. Ont chacun leur petite histoire qui est justement évoquée au début. C'est ça, c'est ça. Et ça joue sur le côté émotionnel. Alors moi, ça m'a un peu surpris parce que le côté musique BO, on a limite envie de taper du pied, etc. Et d'un autre côté, ça reste de l'épouvante, ça reste du gore. Et c'est vraiment cette alternation entre... on alterne entre les moments musicaux et les moments extrêmement gore et émotionnellement tristes, très durs, où effectivement les personnages ont chacun leur histoire et chacun... on sent qu'ils sont... corrompu par différents sentiments. Et effectivement, c'est assez intéressant à voir de les contre-pieds que prend le réalisateur durant tout le film. Oui, et puis en plus, c'est des personnages qui ont différentes nationalités aussi. Donc voilà, on voit ce melting pot finalement, et c'est finalement la musique qui les rassemble, quelle que soit leur couleur, leur origine, leur religion en fait, finalement. Et c'est ça qui est très bien amené dans le film. Et puis ce côté en effet gore qui est vendu dans le film, je le trouve assez jouissif. Ça m'a fait penser à Une nuit en enfer, notamment, avec Quentin Tarantino et George Clooney et Salma Hayek à l'époque. Vraiment, enfin... Alors après, on peut se poser la question, est-ce que finalement l'horreur était ou pas nécessaire? Mais je pense que voilà, ça participe quand même, voilà, à ce qu'est le blues et jusqu'où finalement ça peut aller. Et comme tu le disais, on essaye un peu de démystifier ce qui est autour du blues. C'est et ça. Finalement, voilà, la métaphore est montrée en fait de façon c'est horrifique, ça. Mais après, elle aurait pu être montrée autrement. Oui, après, je pense que avec juste raconter une histoire comme quoi le blues était diabolique, je pense que ça aurait pas du tout eu le même impact. là, c'est vraiment marquant. Dire qu'il a pas été utile, ça reste quand même un élément central parce oui. que c'est l'histoire bien sûr. Du Oui, film. oui. Non, je pense que ça sert énormément au film et à l'histoire. Ça aurait pas été aussi marquant et ouais. je pense que ça aurait pas eu le succès que ça si on n'aurait pas eu ces scènes-là. Ah non, non, non, c'est sûr. Voilà. Oui, oui, oui. Et puis, c'est vrai que pour le coup, voilà, ça va vraiment crescendo, on rentre dans l'horreur aussi. Voilà, on sent que tout est pensé. Je pense que le réalisateur, voilà, il a démarré hein, avec un film indépendant. Il a ensuite passé dans le blockbuster. Et du coup, il s'est dit, voilà, je sais faire les deux. Comment je vais pouvoir mixer finalement mon envie de parler d'un sujet qui m'intéresse personnellement, mais en même temps, voilà, d'avoir un gros budget pour ça. D'ailleurs, de ce que j'ai cru comprendre, plusieurs suites sont envisagées, voire des spin-offs. Enfin voilà, il y a tout un tas de trucs derrière. Alors après, je sais pas ce que ça donnera. Ouais. C'est toujours le risque, hein, parce que je pense que déjà rien que le film se suffit à lui-même. Franchement, il est très bien de A à Z. Voilà. Bon. Peut-être que tout n'est pas parfait, il y a peut-être parfois voilà quelques facilités, peut-être dans les effets spéciaux ou dans la réalisation, c'est peut-être trop noir à certains moments, c'est pas trop c'est lisible, peut-être. Le drop après le crescendo, oui, en fait. Oui, voilà. Oui. Effectivement, on y va crescendo, ça monte, on sent que la tension monte et compagnie. Et puis d'un seul coup, voilà, on se retrouve avec la fin et puis ok, d'accord. Oui, effectivement. Alors, on nous l'annonce hein, dès le début, c'est annoncé tout le long, mais ça m'a un peu surprise de voir c'est rapide et on sent que il fallait faire une conclusion un peu au truc. Ouais. Je sais pas, ça m'a un peu surprise parce que je pense qu'on est en haleine tout le long, on est en tension tout le long parce qu'effectivement ça monte. Et d'un seul coup, en fait, ce qu'on t'a annoncé depuis le début, bah ça arrive et tu fais ah, ok, d'accord, bon bah continuons. Et puis c'est vrai que le film comporte deux scènes post-générique. Oui. Oui. Ouais. Aussi, bon voilà, axé sur la musique aussi, hein. Et c'est vrai que voilà, on voit que finalement, voilà, en effet, le cœur du film, c'était vraiment la musique, le blues. Pour ceux qui ne l'auraient pas compris, hein, sait-on jamais. Oui. C'est vraiment, ça insiste vraiment beaucoup jusqu'à la fin. Et on sent que voilà, le film fourmille d'idées. Je pense que le réalisateur, là, déjà le film, il dure pas loin de 2h15. Ouais. Je pense que s'il avait pu en faire plus, il en aurait fait plus. Oui. À mon avis, c'est une certitude. Oui, ça se ressent. Je serais pas surpris de voir une version longue, peut-être, je ne sais pas. Ouais, parce que voilà, ça serait pas déconnant. Et finalement, c'est un film qui s'apparente à un film de genre, hein, clairement. Hein, Oui, c'est que ça a vraiment été teasé comme un film d'action, comme tu disais, de blockbuster. Effectivement, c'est complètement un film de genre. Ah oui, clairement. Donc bon, en tout cas, voilà, j'espère que le film aura du succès, puisque bah, pour le coup, c'est une vraie proposition de cinéma américain. Oui. Ça sort du lot. Oui. Clairement, une fois qu'on l'a vu, on s'en souvient. Je pense que le film va avoir un bon bouche à oreille. Enfin, en tout cas, j'espère. Oui. Et moi, c'est un film que je reverrai avec grand plaisir. Je pense que c'est un film qui mérite d'être revu parce que au premier visionnage, bon, on voit plein de choses, mais je pense que c'est un film qui s'apprécie au fur et à mesure de ses visionnages. Exact. Ouais, surtout la BO. Oui, surtout la BO. D'ailleurs, ouais, je sais pas si elle est sortie, mais en tout cas, je la réécouterai avec grand plaisir. Ouais, moi aussi. Donc voilà ce que nous pouvions dire sur le film Sinners, sorti donc le 16 avril dernier, voilà, qui va rester, je pense, un certain temps à l'affiche et qu'on vous conseille d'aller voir au cinéma. Après vous avoir parlé de notre coup de cœur cinématographique, Aurore, voilà, comme à son habitude, a déniché un fait étonnant, un fait surprenant. Je serais d'ailleurs pas surpris que dans Sinners, il y en ait. Je sais pas, peut-être. C'est grandement possible. Peut-être que voilà, dans un futur épisode, tu nous en parleras. Mais là, du coup, tu vas nous parler de quel fun fact? Alors, je vais vous parler de Wicked, qui est sorti fin d'année. Fin d'année dernière, ouais, dont la suite d'ailleurs sort cette fin d'année. En novembre, exact. Ouais. Ouais. Ça a été une des grosses promos du film par rapport au décor qui n'était pas totalement fait, pas tous faits en CGI, donc en effets spéciaux. Et notamment, en fait, le champ de tulipes qui est utilisé au tout début du film, un des premiers plans, en fait, où les enfants arrivent. Et donc, ce champ de tulipes, bah, du coup, ils l'ont planté réellement. Ils ont dû planter 9 millions de tulipes pour pouvoir le faire. Et vous aurez peut-être remarqué qu'il y a plusieurs couleurs, donc plusieurs espèces de tulipes. Ce qui est le problème, ça reste des fleurs, donc ça fleurit sur un instant donné. Donc pour avoir le plan, en fait, ils ont dû planter les différentes espèces de tulipes à des temps donnés pour pouvoir avoir toutes les fleurs qui fleurissaient en même temps. Alors 9 millions de tulipes, ça fait un terrain de 12 terrains de foot. Ah oui, quand même. C'est quand même énorme. Waouh. Et donc du coup, donc voilà, ça a été une organisation pour l'équipe de décor assez importante. Et voilà. Ben, c'est vrai que le film est magnifique visuellement, on comprend pourquoi. Oui, voilà. Merci Aurore pour ce fun fact. Pour finir cet épisode, nous allons nous projeter et parler des films qui vont sortir prochainement. Alors toi Aurore, qu'est-ce qui t'interpelle, qu'est-ce qui te hype dans les prochaines semaines? Alors bon, il y a donc mercredi, donc le 30 avril, il y a le prochain Marvel qui va sortir. Donc après le 4e Captain America, c'est ça? Oui. Ouais, c'est ça. Mm. Le 4e donc qui était sorti donc en février. Oui. C'est ça. on va avoir le droit à Thunderbolts, donc avec Florence Pugh, Sebastian Stan, David Harbour. Donc on retrouve l'équipe. On va retrouver. C'est un peu l'équivalent du Suicide Squad Marvel, si je peux. Oui, c'est ça. Donc voilà, à voir. Ils ont énormément teasé sur les cascades et sur l'effet assez noir du film. Ça restera en Marvel, on verra ce que ça donne. Voilà. Oui, à voir ce que ça donne. Je sais pas l'histoire, qu'est-ce que ça va donner, ouais. Oui, on verra. Voilà, c'est une équipe de bras cassés, quoi, on va dire voilà, ça comme ça, comme tu l'as dit. Comme les Avengers n'arriveront pas pour sauver la Terre, et du coup, il va falloir trouver une alternative de super-héros ou super-vilains. Oui. Voilà. Parce qu'en plus, ils ont pas de pouvoir. Non, exactement. Si Phantom, la mise d'Ant-Man. Ah oui. Elle en a. Ah oui. Mais je sais pas si elle est dedans, dans le film. Ah oui, ok. Elle est dedans, bon, c'est peut-être la seule alors qu'il y a des pouvoirs, mais bon, l'idée, voilà, c'est comme tu dis, le Suicide Squad à la Marvel. Bon, c'est ça. On verra bien ce que ça donne. On l'a utilisé depuis des années, on va voir. On va voir. Clairement, oui, parce que c'est vrai que Marvel a essayé, de prendre plus son temps pour faire plus de qualité. Oui. Bon, à voir ce que ça va donner. C'est l'intermédiaire avant les 4 Fantastiques. Ouais, c'est ça. Cette année, là, ils enchaînent. Autant l'année dernière, on n'a pas eu. Il y avait que Deadpool et Wolverine. Ouais. Effectivement, là, ils les enchaînent un peu. On revient sur une cadence. Ouais, donc à voir. À voir. Bon, Captain America, c'était pas incroyable. Non. Thunderbolts, à voir. Moi, le 4 Fantastiques, quand même, me donne bien envie. Il a l'air de plus sortir du lot. C'est ça, on change de monde complètement. On va changer d'univers. Donc, du coup, on va en découvrir un autre totalement. Ouais. Ouais, changer le projet a l'air intéressant en tout cas. C'est ça, sortir de tout ça. Alors, le 30 avril également sort le nouveau film de David Cronenberg, dont le dernier film est sorti il y a 2-3 ans, peut-être plus. C'était Les Crimes du Futur avec Viggo Mortensen à l'époque. Il est assez doux. Là, ce mercredi sort donc Les Linceuls avec Vincent Cassel et Diane Kruger. Donc, c'est Crash qui a 50 ans, c'est un homme d'affaires renommé. Inconsolable depuis le décès de son épouse, il invente un système révolutionnaire et controversé, GraveTech, qui permet aux vivants de se connecter à leur chair disparue dans leur linceul. Une nuit, plusieurs tombes, dont celle de sa femme, sont vandalisées. Crash se met en quête des coupables. Bon, clairement, c'est bien du David Cronenberg. Hein. Ça, c'est un truc, c'est déjà terrible dès le départ à lire le synopsis. Ça a l'air assez tortueux. Ça va nous emmener, je pense, dans des trucs un peu fous. On retrouve d'ailleurs Guy Pearce aussi, qu'on avait vu récemment dans The Brutalist. Ah, moi, j'adore cet acteur. Oui. Vraiment, je trouve qu'il peut tout jouer. Et dès qu'il est dans un film, globalement, même s'il est en second rôle, c'est plutôt pas mal. C'est un beau casting. Franchement. Diane Kruger, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Elle avait joué dans un petit film français, Saint-Ex, sur Saint-Exupéry. Ah oui, exact. Et puis l'année dernière, avec Mathieu Kassovitz dans Vision aussi, celui qui avait fait Boîte Noire, là. Oui. J'ai plus le titre. J'allais dire dans Les Sous-Marins. qui avait cartonné. Le Chant du Loup qui était très bien. Oui, très bon. Même Boîte Noire, enfin les deux étaient vraiment bien. Très bon film. Donc voilà, donc là je pense que voilà, on va retrouver du bon David Cronenberg comme on les aime. Alors voilà, après c'est toujours spécial hein, on peut être ou pas hermétique à ce genre de film hein, c'est compréhensible, mais généralement c'est des films qui laissent pas indifférents. Donc à voir. Donc voilà, entre du Marvel Thunderbolts voilà, tout public et l'un seul un peu moins tout public. Voilà, il y en a pour tous les goûts, en tout cas ce mercredi 30 avril. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. N'oubliez pas donc d'aller voir notre coup de cœur cinématographique Sinners. Et puis bah nous, on se retrouve bientôt pour parler de nouveau de cinéma. Salut Aurore, à bientôt. À bientôt.